Chapitre 198. La recommandation de s'allonger sur le côté droit après la sunna du sobh, que l'on ait passé une partie de la nuit en prière ou non. 1110. D'après Aïcha, radiallahu anha, après avoir accompli la sunna du sobh, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'allongeait sur le côté droit. Al-Bukhari. 1111. Aïcha, radiallahu anha, rapporte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait entre la prière du Isha et celle du Subh 11 unités de prière, prononçant le taslim, assalamu alaikum, toutes les 2 unités de prière, puis il terminait par celle du witr. Lorsque le muezzin terminait l'appel à la prière du Subh et venait auprès de lui et qu'il, alayhi salatu wassalam, s'était assuré de la naissance de l'aube, il se levait et accomplissait 2 courtes unités. Ensuite, il s'allongeait sur le côté droit jusqu'à ce que le muezzin le rejoigne pour annoncer le début de la salat. Iqama. Muslim. 1112. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: après avoir accompli les 2 raka'at précédant le subh, allongez-vous sur le flanc droit. Abu Dawud et At-Tirmidhi à travers des chaînes authentiques. Et ce dernier a dit: Hadith Hassan Sahih.